clarification de mon point de vue concernant les extraterrestres. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole au micro pour clarifier quelque chose d'important. Pour pas que mes propos soient mal interprétés, bon, dans plusieurs enregistrements au cours des dernières semaines, j'ai fait allusion au fait, entre autres, que ma perception des extraterrestres, c'est que c'est des êtres qui ont une technologie plus développée que celle des humains actuels, donc la technologie qui est utilisée ouvertement, là, entre autres dans nos civilisations là, à l'heure actuelle. Et je maintiens mon point de vue. De ma perspective, les extraterrestres n'utilisent pas des technologies aussi limitées comme par exemple le moteur à explosion qui fonctionne avec l'essence. Imaginez des objets volants, des vaisseaux spatiaux qui utiliseraient ça pour se déplacer dans le cosmos. Ça serait problématique, ça serait totalement ridicule et juste vous en parler, ça me fait rire. Donc, ma perspective, ce que j'ai à clarifier par rapport à ça, c'est que ma perspective demeure la même. C'est-à-dire que les êtres extraterrestres, avant que les êtres humains commencent à utiliser des charrettes ou des automobiles, avaient déjà une technologie beaucoup plus développée que la nôtre. Par contre, le point que j'ai à préciser puis à ajuster, c'est que, à travers mon propos, je cherche pas à véhiculer une fascination à l'égard du phénomène extraterrestre ou de les mettre sur un piédestal en relation avec un développement technologique plus grand que celui de l'humanité de l'ère actuelle. En fait, c'est là-dessus que je veux réajuster mon propos. Donc, j'ai eu un échange avec quelqu'un sur Facebook. Donc, la personne m'a écrit ceci. D'ailleurs, je la salue si elle m'écoute. Donc, FK. Lui, ce qu'il dit, c'est le point de vue que vous déployez sur les aliens. Donc, ici, il fait référence aux extraterrestres. Donc, il a marqué « Fond de vous, bien malgré vous, j'en suis sûr, un parmi d'autres chevaux de Troie, invitant les gens à faire confiance en des entités qui agissent pour leurs propres intérêts. Mais ces intérêts sont complètement contraires à ceux des humains. » Donc, c'est sûr que le fait que j'ai fait une référence que les extraterrestres ont une technologie plus développée que la nôtre, donc celle qui est affichée publiquement. Donc si je ne fais pas référence à celle qui peut être utilisée dans des bases secrètes ou d'humanité antérieure, comme celle qui a existé avant le déluge. Donc par rapport à l'humanité de l'heure actuelle, ça peut être interprété comme si j'ai invité les gens à faire confiance aux extraterrestres. Mais non, il y en a rien de tout ça. Et moi, ce que j'y ai répondu, et je voulais faire cette clarification au micro pour pas que mes propos soient mal interprétés, c'est qu'il faut pas croire. Faut pas croire les êtres humains, faut pas croire nos politiciens, parce qu'ils peuvent nous mentir. Il faut pas croire non plus les entités astrales, parce qu'elles peuvent nous désinformer, donc les êtres du monde de la mort. Faut pas croire non plus les êtres systémiques, parce qu'ils peuvent nous désinformer. Puis c'est la même chose par rapport aux extraterrestres, comme tout être qui existe dans le cosmos. Donc, moi, je fais une application du principe de ne pas se soumettre à la croyance. La croyance, c'est quoi? Ben, c'est des formes qui sont véhiculées, donc des idées, par tout être qui peut exister. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il ne faut pas croire qu'est-ce qu'on peut soi-même canaliser, en ce sens adhérer spontanément aux formes qui peuvent être véhiculées par notre propre parole, parce que sans ça, on peut générer une doctrine puis s'y soumettre. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point ça va. Et à un moment donné, sur Facebook, il y avait une personne qui était un petit peu déboussolée par mes propos, parce que dans le fond, j'avais fait référence à des propos en relation avec l'avenir de l'humanité. Puis là, la personne a dit, ben là, si les gens croient à ça, ça peut être dangereux. J'ai dit, écoute, je dis aux gens de ne pas croire. Puis moi-même, par rapport à ce que j'ai pu véhiculer, je n'y crois pas. Donc, une adhésion, une soumission aux formes qui ont été générées dans un passé, c'est-à-dire se soumettre à de la mémoire. Donc, moi, je me crois même pas. Fait que j'encourage les gens à pas me croire puis à pas croire tout être du cosmos, mais à vérifier par vous-même si ce qui est dit est réel ou non. Donc, c'est sûr que mon propos en relation avec le phénomène extraterrestre, c'est de ne pas croire les êtres qui viennent de d'autres planètes ou de d'autres même dimensions de réalité. Et les gens qui en font de la canalisation d'informations se rapportant à eux. Et c'est sûr que ma conception des extraterrestres n'est pas celle de sauveurs de l'humanité qui vont venir apporter ici de la technologie qui vont permettre de dépolluer l'environnement. Parce qu'à ce moment-là, on devient des dépendants cosmiques d'êtres qui viennent de d'autres planètes. Donc, si on se met à prier à genoux pour des extraterrestres viennent nous délivrer nos problèmes de pollution en nous donnant accès à des technologies non polluantes, ben à ce moment-là, ça crée un rapport de soumission implicite à leur égard. Donc, moi, c'est sûr que c'est pas ça que je véhicule et je ne vois pas les extraterrestres comme étant des êtres à mettre sur un piédestal. Bien sûr, on peut reconnaître que sur le plan technique, ils peuvent avoir une technologie qui est plus avancée que la nôtre, mais ça ne veut pas dire que sur le plan vibratoire, c'est des êtres qui ont une qualité énergétique plus grande que la nôtre ou qui sont plus conscients. Donc, il y a cette nuance-là à faire. Puis même s'il y a des êtres qui ont une plus grande conscience de certains aspects que nous, il ne faut pas non plus les mettre sur un piédestal parce qu'à ce moment-là, ça confirme le fait qu'on est des êtres qui sont dans une situation d'infériorité par rapport à eux. Donc, ça participe à nourrir un concept d'infériorité planétaire, de faire ça. Donc, on peut reconnaître que oui, un être peut avoir un taux vibratoire plus élevé que le nôtre, advenant le cas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il faut sombrer dans une attitude de soumission à toutes les formes qu'il va générer, parce qu'à ce moment-là, on devient prisonnier de sa parole ou de la doctrine qu'il va chercher à véhiculer. Donc, le message que je veux véhiculer ici est très simple, c'est que ma perspective est d'horizontaliser le rapport par rapport à ma conscience à l'égard de tout être qui peuple le cosmos, qu'il soit extraterrestre, intraterrestre, qu'il soit extradimensionnel, et ainsi de suite. Ma perspective est toujours celle-ci, c'est-à-dire d'être souverain de ma conscience et de reconnaître aucune autorité au-dessus de la mienne. Donc, que l'être ait parcouru des années-lumière pour venir sur la Terre, ceci ne m'impressionne pas, parce que en tant que conscience, eh bien, j'ai à réaliser que quelque part, derrière chaque élément qui sont manifestés dans l'univers, eh bien, c'est la même énergie primordiale qui réside derrière les différents éléments qui constituent les différentes entités qui peuplent la réalité dans laquelle on se trouve. Donc, l'énergie qui circule à travers moi, c'est la même énergie, en passant, qui circule à travers l'être extraterrestre, qui vient à deux années-lumière d'ici ou de d'autres systèmes de vie, ou interdimensionnel, c'est tout le temps la même énergie qui est à la base de tous les éléments qui constituent le cosmos. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien qui a à m'impressionner. Donc, les extraterrestres, mon optique n'est bien entendu pas de vouer un culte par rapport à eux, et c'est sûr que par rapport à mes propos, ce que j'aimerais ajuster, c'est qu'à quelque part, l'humanité est gardée, dans le fond, inconsciente là, de certaines technologies qui existent dans le cosmos. Et à quelque part, c'est une réalité. Oui, on peut être moins développé sur le plan technologique, mais ça ne fait pas de nous des êtres qui doivent se soumettre idéalement les êtres qui disposent de cette technologie. Bien au contraire, il faut être souverain dans notre conscience et être capable d'avoir des rapports égalitaires pour qu'il y ait une réciprocité psychique qui puisse être générée entre nous et les êtres éventuels du cosmos, ceux qui entreront en contact avec nous, étant donné que de ce que je perçois par rapport à l'avenir, c'est juste une question de temps. Mais dans le fond, j'en suis venu à un point que je connais de ça de mon vivant, le contact, ou donc les extraterrestres, je m'en calisse, tabarnak. Parce que si j'attends après ça pour être bien dans ma peau, j'ai une crise de problème parce que ça me met dans une situation d'être dépendant affectif par rapport à eux, donc de dépendre. Et si je dépends d'un être, c'est que je ne suis pas libre. Et de dépendre d'un être cosmique confirme une situation d'impuissance planétaire. Donc, c'est la raison pour laquelle je prône l'indépendance psychique et la possibilité de l'individu d'avoir accès à toute l'information qu'il a de besoin dans le cadre d'un rapport de force qu'il peut générer entre sa conscience et sa contrepartie cosmique, son esprit. Donc, c'est sûr que par rapport à ce que je veux dire, c'est que mon propos, c'est d'avoir un esprit critique qui est vaste, une capacité de contestation de tout être qui peuple du cosmos, qui peuvent nous amener des informations pour ne pas sombrer dans la croyance et tomber dans le même piège qu'ont connu de nos ancêtres dans des temps lointains où lorsqu'ils voyaient des êtres dans les cieux se déplacer dans des vaisseaux spatiaux, ben ils interprétaient que c'était des dieux. Et si un être du vaisseau sortait et qui était capable, par exemple, aujourd'hui on parlerait de l'utilisation d'un briquet qui va générer du feu, bon, ben un être dans le temps d'un passé lointain, comme par exemple le Moyen-Âge, donc quelqu'un qui est capable de faire générer du feu à partir d'un appareil à volonté, bien, ça peut être interprété comme étant de la magie, comme étant un être qui va cracher le feu. Donc, tout était interprété en fonction du cadre limitatif de connaissances techniques qu'avaient les êtres humains. Et c'est sûr que ma perspective n'est pas de sombrer dans le même piège et de voir à travers les extraterrestres des dieux. Donc, non, ce sont des êtres qui sont constitués de la même énergie cosmique qui sous-entend la forme biologique humaine. Et c'est à partir de ce constat énergétique qu'il faut être capable d'œuvrer avec eux, advenant qu'on ait à interagir avec eux dans le futur. Donc, tout ça pour dire que fondamentalement, ma perspective, et j'espère que ça ne sera pas mal interprété ici, et c'est pour ça que je me répète et que je mets l'emphase là-dessus, c'est de voir à travers l'être extraterrestre, tout simplement, un être qui peut être, oui, doté d'une forme de conscience. Oui, dans certains cas, il y en a parmi eux qui peuvent avoir un taux vibratoire plus élevé que les êtres humains, mais ça ne justifie aucunement le fait que l'être humain soit fasciné par eux ou se croit dépendant de leur technologie, de leur connaissance ou de leur rapport scientifique, étant donné que l'être humain, lorsqu'il intègre l'énergie de l'esprit, est capable d'avoir accès à toute information nécessaire qu'il a de besoin dans le cadre de sa vie planétaire. Donc, il n'y a pas besoin des extraterrestres pour l'éduquer ou de l'informer. Il n'y a pas besoin de maître cosmique pour lui dire comment penser, lui enseigner une philosophie de vie, une idéologie ou une science technique. Non, l'être humain qui a accès à son esprit et son contact avec sa propre conscience, c'est-à-dire lui-même sur le plan cosmique, a accès à toute information nécessaire d'une manière autodidacte. Donc, voilà ce que je voulais mentionner. Je vous remercie de l'écoute pour cet enregistrement qui m'a permis de faire une petite mise au point et je vous dis à bientôt. Au revoir.